بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في باب جديد وهو باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. Quelle est la permission que celui qui fasse une salat surrogatoire préside la salat de ceux qui font une salat obligatoire. C'est-à-dire l'imam, lui, il fait une salat qui est nafila, surrogatoire, et ceux qui sont derrière lui, eux, font une salat qui est obligatoire. هذا قال في الحديث الثاني عشر بعد المئة. Dans le 112e hadith, قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن الجبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع لقومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Donc selon جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, معاذ بن الجبل faisait la salat du عشاء avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire qu'il faisait la salat derrière lui. Ensuite, il retournait vers son peuple, vers les gens de sa ville, de son secteur. Et de là, il recommençait pour eux cette salat. C'est-à-dire que lui, en tant qu'imam, il faisait la salat du Isha. Yaqul Fadilat al-Sheikh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Araoui, le rapporteur, c'est Jabir ibn Abdillah, dont At-Tarjama a déjà été cité auparavant. Yaqul Maudou al-Hadith, le sujet du Hadith, Bayen Hukmi Salati Khalf. Maintenant, le hadith, c'est quoi le sujet? C'est de montrer le jugement de la salat derrière celui qui l'a déjà accompli. Et là, on parle de la salat qui est obligatoire. Yaqulu fil sharh al-ijmali. Kana sahabatu radiyallahu anhum yuhibbun as-salat khalf an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shiddat mahabbatihim lahu wa likamal salatihi wa yata'allamu minhu qawlan wa fi'lan. Donc il dit que les sahaba, radiallahu anhum, aimaient faire la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'amour qu'ils avaient pour lui, le grand amour qu'ils portaient envers lui, et pour la perfection de sa salat, et afin qu'ils apprennent de lui les paroles et les actes. Wa min baynihim Mu'adh ibn al-Jabal, radiallahu anhum. Wa fi hadha al-hadith, yukhbiru Jabirun, أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع لقومه بني سلمة حول السلع فيصلي تلك الصلاة فيعيد تلك الصلاة إماما بهم نافلة لهم ولهم فريضة أو بل نافلة له نعم ولهم فريضة. Et parmi ces sahaba justement qui avait ces vertus-là, il y avait Mu'adh ibn al-Jabal. Et dans ce hadith, Jabir informe que Mu'adh se faisait présider par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la salat du Isha. C'est-à-dire qu'il y avait salat derrière lui. Ensuite, il retournait vers les gens de son quartier, là où il habitait, dans son secteur, qui sont les Banu Salama. Et de là, il recommençait le Isha en étant imam pour eux. C'est-à-dire que pour lui, c'était une salat qui était surrogatoire. Et pour eux, c'est une salat qui était obligatoire. طيب. يقول في فوائد الحديث, les enseignements utiles du hadith. أولا, جواز صلاة الفريضة خلف من أداها من قبل. Qu'il est permis de faire une salat obligatoire devant une personne qui l'a déjà fait auparavant. Qui l'a déjà faite auparavant. ثانيا, جواز إتمام المفترض بالمتنفل, qu'il est permis justement à celui qui fait une salat obligatoire d'être présidé par celui qui fait une salat surrogatoire, comme ce fut le cas de Mu'adh. C'est-à-dire les gens, eux, faisaient le Isha qu'ils n'avaient pas fait auparavant, c'était obligatoire pour eux, et Mu'adh, lui, avait recommencé le Isha avec une niya surrogatoire qu'elle a déjà faite auparavant. Et on ne fait pas deux fois la même salat obligatoire avec une niya d'obligation. ثالثا جواز إعادة الفرض لعرض صحيح, qu'il est permis de refaire une salat qui a déjà été faite, qui était obligatoire, pour un but précis et valide. Non pas qu'il remette une niya, comme on vient de l'expliquer, il ne met pas une intention de refaire une obligation, mais il refait une salat qui à la base elle est obligatoire, le Isha, c'est-à-dire il refait salat du Isha en faisant 4 rak'at avec 2 tashahoud, mais son intention à lui, elle est surrogatoire. Car en réalité, s'il avait dû faire une salat surrogatoire de lui-même, il n'aurait pas pu la faire de cette façon-là. C'est-à-dire 4 rakat avec 2 tashahoud. Donc il l'a refait sous la forme de l'obligatoire, avec une intention de surrogatoire et ceux qui étaient derrière, eux, la faisaient avec la niya de l'obligatoire. Rabi'an fadilat Mu'az ibn Jabal wa hirsuhu ala al-ilm. Il y a ici le mérite justement de Mu'az ibn Jabal et la grande attention qu'il portait au ilm, à la science. Car ce qui le poussait à faire cela, c'est qu'il voulait apprendre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ensuite, kazalik, appliquer et le faire avec les autres. Naam. Fa'adha ladhi khadna al-yum yad al-hadith. Walhamdulillah rabbil alamin.